Et qui c'est qui veut des oranges? Messieurs, dames, en passant, regardez mon cajou. Vous verrez comme elles sont belles, mes oranges. J'en ai plein cajou à vendre. Jean, madame, en passant, on regarderait même pas. Hein. Quelqu'un. Monsieur, venez voir, j'ai des belles oranges. Personne ne veut des oranges. C'est quelqu'un, ça, là. Jean, monsieur. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, je vends des oranges. Je le vois bien, non? Je suis l'employé. C'est le contremaître qui m'a engagé depuis ce matin à 7 heures pour vendre des oranges. Et moi, je suis le patron, moi. Oh, pardon. Et vous en avez vendu beaucoup de ces oranges? Sinon, je n'ai pas encore vendu une. C'est quelqu'un, ça? Qu'est-ce que vous faisiez avant de vendre des oranges? Je vendais du poisson. Et vous en vendiez beaucoup? Et non, j'en ai jamais vendu. Qui c'est qui veut du poisson? Alors on me répondait, vous savez pas qu'on peut voir où c'est qu'on peut acheter des oranges? C'est quelqu'un, ça. Ça m'étonne pas que vous n'en vendiez pas. Pourquoi? Comme ça. Vous avez une ardoise et une craie, c'est pour quoi faire? C'est pour faire mes toto. Quelqu'un qui viendrait et puis que d'un seul coup il me dit allez, paf, il m'en faut 3 kilos. Alors ça, monsieur, par 3 fois 0, 0, je pose 0, je retiens rien. 3 fois 0, 0, je pose 1, t'as fait 2, 3, enfin je freinais les totos, quoi. Voilà. Voilà, voilà, voilà, voilà, voilà. Vous avez une ardoise et une craie, mon cher ami. Servez-vous-en pour faire de la publicité. Le commerce, c'est un métier, c'est pas n'importe quelle personne qui peut faire du commerce. Marquez quelque chose sur votre ardoise, de manière que lorsque les clients passent sur le trottoir, ils disent, tiens, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Ils s'approchent et vous les accrochez pour vendre votre marchandise. Ah, oh, c'est vrai. C'est vrai, j'avais pas pensé d'écrire... J'ai dit, ouais, mais... Je repasse dans 10 minutes, hein. Au revoir, monsieur le patron. C'est vrai, une ardoise et une craie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire là-dessus? Ici, on va... De belles oranges. Ici, on vend de belles oranges pas chères. Voilà. Qui c'est qui veut des oranges? C'est vous qui avez pendu ça? Ah oui, monsieur le patron. Pardon, donnez-moi ça. Ici, on vend de belles oranges pas chères. Mmh. Vous avez bien fait de marquer ici. Des fois qu'on pense que ce soit ailleurs. Vous voyez pas que c'est inutile le mot ici? C'est vrai, j'ai mis ici. J'ai effacé ici. On vend de belles oranges pas chères. Ils auront bien le temps de le voir que c'est pas cher. Pourquoi vous avez écrit pas cher? C'est vrai, j'ai pas cher. J'efface pas cher. Donnez-moi ça. On vend de belles oranges. On vend. Vous aviez peut-être l'intention de les donner. Non? Alors pourquoi vous avez marqué on vend? C'est vrai, il dit on vend. On vend. De belles oranges. Quand on fait de la publicité, il faut en marquer le moins possible, de manière que ça frappe davantage l'imagination. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de belles oranges? Elles sont pourries, vos oranges? Et non? Eh bien, effacez de belles, c'est vrai. De belles. C'est des bananes que vous vendez? Non, c'est des oranges. Alors, pourquoi il y a orange? Je vais aller revendre mon poisson. Comme ça, j'aurais pas besoin de le marquer. Pourquoi? Ça sent.